إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأولا نبدأ بحمد الله عز وجل على ما أنعمنا علينا من إمكان تدريس هذه الكتب المباركة وهذه الاجتماعات الطيبة من حين إلى آخر، التي يذكر فيها اسم الله ويذكر فيها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Donc, on va commencer par louer Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé le bienfait de pouvoir enseigner ce livre, que l'on espère plein de baraka, et de pouvoir nous réunir ensemble dans le rappel d'Allah, dans l'évocation de son nom et dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Car ce n'est pas tout le monde qui a l'occasion de pouvoir faire cela en ces jours où les gens sont occupés par différentes occupations et que très peu vont donner l'importance à l'apprentissage. Non. Donc après qu'on ait fini en premier lieu, on a fini le livre des annulations de l'islam. On a fini Al-Qawaid al-Arba'a. Ces deux n'étaient pas diffusés en direct. Ensuite, Alhamdulillah, dernièrement, on a fini Al-Usul al-Salatha, les trois fondements. Et aujourd'hui, on va rentrer dans ce livre, Inch'Allah, qui est Al-Mabadi al-Mufida. On va entrer dans ce livre des fondements bénéfiques dans le tawhid, dans le fiqh et dans la croyance. Et tous ces durus sont faits de façon assez rapide du fait que, comme vous le savez, je suis là temporairement, je ne sais pas quand est-ce que je vais repartir, mais Inch'Allah sera très prochainement, on l'espère. Et j'espère pouvoir, quand je commence un livre, le finir. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'attarde pas. Ce livre-là, par contre, je ne sais pas si on aura l'occasion de rentrer dans la partie de la jurisprudence. D'ailleurs, car mon départ a un peu été retardé. Mais on espère qu'il soit proche. Biznillah ta'ala. Mais tant qu'on est là, on essaye de profiter autant que possible. Et qu'est-ce qui se peut qu'à l'avenir, les jours des douloureux changent. Le programme y change. Et ça, on attend encore un khabar pour être sûr que cela va se produire. Non. Donc, ce livre, l'auteur, c'est notre cheikh, mon cheikh en particulier, Yahya ibn Ali al-Hajouri. Naam. C'est un nom qui risque d'effrayer certaines personnes. Et on va essayer d'être clair avec les gens et d'être limpide avec eux le plus possible. D'accord? Donc oui, cheikh Yahya al-Hajouri, c'est mon cheikh. Et oui, je le défends. Du fait que c'est un homme qui a été lésé et qui a subi des injustices nombreuses. Donc quand vous allez voir son nom apparaître, et s'il y avait des gens qui veulent partager ces durus, ils auront des mises en garde. Attention, ne l'écoutez pas. Attention ceci, attention cela. Naam, il y a des mises en garde, c'est vrai. Elles sont très nombreuses, c'est vrai. Elles émanent de gens connus sur la science, c'est vrai. Mais on vous dit également qu'elles sont infondées et qu'elles ont toutes été réfutées. En détail, pour ne pas rentrer dans la question. D'accord? Car souvent les gens, quand ils voient des durus que je diffuse et qu'ils ne savent pas vraiment qui je suis, me demande où est-ce que j'ai étudié, auprès de qui je prends la science, tu vois. Donc, qu'arrivent ils pas à faire partager ces dolos-là. Et lorsqu'ils sont interrogés, ils voudraient savoir à qui ils ont affaire, en gros. Donc, on leur dit, Naam, pour ceux qui ne me connaissent pas, d'accord, je suis Khalil Abou Taymiyyah Martiniki, et je suis un ancien de Demedj. Taïeb, et j'étais parmi les gens qui ont, j'espère, contribué à la défense de ce centre lorsqu'il a été attaqué de toutes parts, injustement. Ce qui m'a valu maintes critiques et autres. À savoir que les problèmes qu'il y a eu à Demedj qui ont causé la mise en garde contre Cheikh Yahya, de façon résumée, pour que les gens sachent un peu, c'est que tout simplement, au sein de son centre, il s'est produit un sectarisme, une hizbiya, d'accord? Et le Shir a voulu la dénoncer, casser son merkez, il voulait accepter pas que cela se passe comme cela. Donc, de là, des gens sont insurgés contre lui, d'accord? Car ils étaient en but de faire un merkez pour concurrencer des matchs. Et cela d'une façon, on va dire, qui était sans précédent, qui ne correspondait pas à la darwa des gens du Yémen habituellement. À la base, Shariah al-Hajouri, c'est le successeur de Cheikh Moukbil, rahmoullah, qui est le fondateur du centre de Dammamat, qui est connu, qui était le seul centre, on va dire, purement sur la salafia, et le seul centre qui acceptait les gens de toutes parts à condition de venir pour étudier bien sur la sunna. Sans autre chose. Pas d'histoire de dossier, pas de photo, pas d'histoire de je ne sais quoi. Tu rentres, t'es libre. C'était une citadelle pour les salafis dans le monde entier. Et c'était un honneur. Et ce centre était reconnu unanimement comme étant sur la sunna partout dans le monde. Et il était notre fierté, notre gloire. Et à sa mort, Cheikh Moukbil avait maints élèves et il a mis à sa place Shariah al-Hajouri. D'accord? Et avant sa mort, il est interrogé. Il a dit que cet homme-là était l'homme le plus savant du Yémen après lui. C'était son temps libre, il le connaissait très bien. Et il a même dit aux gens de Denmej, les villageois, il leur a dit, si jamais Shariah veut descendre de la chaise, l'enseignement que je lui ai donné, ne le laissez pas descendre. Car c'est un conseiller de confiance. Il le connaissait bien. Il a dit, cet homme-là, s'il veut partir, ne le laissez pas partir. D'accord? Donc de là, après sa mort, Cheikh Moukbil, il y a eu de la jalousie, des gens qui n'ont pas vraiment accepté le fait que ce soit Yahya qui a pris la place et pas autre, que certains se voyaient meilleurs que lui. Et c'est lui, Karl al-Qaddaf, qui devait être choisi. Et de là, différentes fitnes se sont déroulées dans le Yémen pour essayer de le salir, le ternir son image. Et la dernière en route, c'est celle qui a valu ce que vous savez aujourd'hui comme mise en garde sur le net. D'accord? Et en fait, car des gens ont voulu, comme je vous l'expliquais, vouloir prendre une autre voie que celle qui a été inculquée par Cheikh Moukbil et rentrer la dounia dans la darwa, faire du commerce, en vendant des terres pour les toilettes que les gens viennent construire. Voilà. Le but, c'était plus faire de l'argent que faire darwa. Et Cheikh a vu ça. Il a dit ça va se passer. Cheikh Moukbil m'a mis sur un héritage, sur successeur dans sa darwa, on ne va pas la changer, la darwa. La darwa va rester comme elle était auparavant. Mais des gens n'ont pas vu la chose de la même façon. Donc il y avait un homme dans le Merkez qui s'appelait Abdelrahman Al-Adani, qui était le numéro 2 à Demej, qui a voulu, avec l'aide d'autres personnes, d'autres complices, qui à la base ne s'aimaient, des gens qui ne s'aimaient pas entre eux, mais ils sont tous unis pour un même objectif, qui était de faire un autre centre, qui concurrence Demej. Dans le sens, Demej et le Hadjoul Ikhlas, de notre côté. On va faire un nouveau truc. Et Cheikh n'a pas accepté. Bien qu'il était content qu'un autre Merkez se fasse, mais qu'il se fasse, comme les autres Merakis ont été faits au Yémen. Tous pareils, la même darwa. En toute fraternité, pas de choses nouvelles. D'accord? Et de là, cet homme, Abdelrahman Adani, avait beaucoup de complices et des gens en Saoudie, d'accord, qui le soutenaient et auprès de qui donnait une image, se faisant aimer, apprécier, et en salissant l'image de Al-Hajouri, qui lui était un petit peu trop dur. C'est fait que des gens dans leur cœur en avaient déjà contre lui. Avant de connaître Shahriar en face, ils en avaient déjà contre lui. C'est déjà remonté contre lui, on va dire. Donc lorsque la fitna a commencé, que Shahriar a commencé à parler sur Abdelrahman Adani, lui est parti en Saoudi prendre comment dire, son soutien, et des gens sont mis à défendre Abdelrahman Adani et sont mis à attaquer Shahriar. Dire tu parles pour rien, tu as tort, tu le sais, tu as un cela. Alors que Shahriar, il a parlé, il a dit, cet homme-là, il vient de chez moi, c'est passé au Yémen, on connaît mieux que vous. Il est en train de vous tromper là. Les gens ne vont pas écouter. Ça a amené une division dans la darwa. D'accord? Ça a amené une division dans la darwa. Et ce qui fait qu'après, les gens se sont mis à s'en prendre à Cheikh Yahya, et pour le discréditer, ils ont emporté plein d'erreurs, d'accord? Des erreurs qu'il aurait faites, qu'il aurait dites auparavant, et qui en réalité sont des choses qui ont déjà été réfutées. Soit c'était une erreur vraiment qu'il a faite, il a fait Tawbah, soit c'était ce qu'on appelle un lapsus, ou soit c'était une chose sur laquelle il avait divergence, et il avait la vérité avec lui. D'accord? Donc les choses sont démesurées, le but c'était quoi? De faire tomber l'homme. Cet homme-là, il faut le faire tomber. Lui, sa darwa, ils sont centre pour faire tomber. En gros. Et de là, s'en est suivi une grosse fitna qui a divisé les rangs des salafis dans le monde entier. Et comme certains parmi les mashayikhs connus se sont mis à parler, alors tout le monde les a suivis. Donc en réalité, les mises en garde, elles sont toutes basées sur le suivi aveugle de certaines personnes, c'est tout. D'accord? Comme Charabir, il a mis en garde et un tel, alors nous aussi, comme Charabir, on sait que c'est lui le savant dans le Jarh Tardil qui a raison, on le suit. Donc les gens ont fait confiance à Charabir, ont pris ses mises en garde, ils sont bien mis à mettre en garde eux aussi. Et alors que ces mises en garde, elles ont toutes été réfutées. D'accord? Et le calame de Charabir avait aucune preuve dedans. Et Charabir lui a répondu avec politesse et respect. Il lui a dit tout ce que dit sur moi, c'est pas vrai. Donc tout ça pour dire que El Hadjouri, si vous voyez son nom, sans rien avoir peur. C'est un savant salafi, connu depuis très longtemps, seulement des nouveaux ne l'ont pas connu. Donc, ceux qui le défendent sont considérés comme étant des haddadis, une secte qui disent qu'ils sont des gens qui ont de l'exagération, d'accord? Qu'on exagère. Et c'est notre exagération, c'est juste de l'avoir défendu, en fait, de dire qu'il a raison et de ne pas accepter les critiques contre lui. C'est ça, eux. Ils disent qu'on exagère. Maintenant, il a parlé avec preuves, on a été d'accord avec lui. Ceux qui le critiquent sans preuve pour cette affaire-là, ils ont tort. Voilà. Sans quoi, les gens qui écoutent les doulous du frère Mounir, des autres frères, du site de Demetch.fr ou mes doulous à moi, avant qu'ils ne sachent qui on est, ils apprécient. Et ils voient que les doulous parlent de dîn de façon correcte. Et c'est le jour où on leur dit, attention à eux, ce sont des suiveurs de Hadjouli, ces gens, ils arrêtent de nous écouter, ils ont peur. Donc on leur dit, si le Hadjouli était un égaré, on serait nous aussi, et vous l'auriez entendu dans les doulous. Donc en fait, arrêtez d'écouter tout ce qu'on vous dit. Des fois, vous voyez des messages avec des mises en garde, avec des gens de la bid'a pour de vraies innovations, et en dessous, on nous voit nous. Le site Demedj.fr et Foulen, il écrit Hajjoulit, entre parenthèses. Une secte qui a été inventée, en fait. Donc on dit aux gens, si vous regardez ce qui a été dit, vous verrez que vous avez tort. Vous mettez en garde contre les gens de la Sunna qui appellent au Kitab wa Sunna. On n'est pas infaillible, on peut se tromper. Si on fait une erreur, on se repent, on fait Tawba. Mais dire que on est des égarés, on a des exagérations et qu'on défend un égaré, ça, c'est pas vrai. Et tant que Shaykh est comme il est, Wallah soudafi anhu, il a un amour. Tant qu'il reste comme il est Shaykh, qui ne change pas, je le défendrai jusqu'à la mort. Pour le haq qu'il a, pas pour l'individu en lui-même, mais pour le haq qu'il a. Et si demain il vient à changer, je le laisserai. Mais jusqu'à présent, un tel ont beau parler, vous dites vous n'avez rien à porter contre lui. Tout ce que vous avez dit, c'est réfuté. Avec preuve. Voilà. Donc c'est histoire d'être équitable envers les gens. Que vous sachiez, à la base, je ne suis pas venu en France pour parler de ça. Alors là, je n'ai pas envie d'embêter les gens avec ça. Mais comme le livre, maintenant, c'est son livre à lui, qui aura son nom, là, ils vont voir Hadjouli, hop, ils vont avoir peur. On dit, n'aie pas peur. Il n'y a pas de lieu d'avoir peur. Il n'y a rien dans le livre. Et en plus, ce livre-là, il a été écrit il y a 19 ans avant que la fitna commence. C'est-à-dire que le livre lui-même contient du vrai, de toute façon. Et tout le monde aimait ce livre-là à la base. Mais quand le Hadjouli a été diabolisé, c'est fini. Donc voilà. Pour que vous sachiez un minimum. Après, les détails, il y en a plein sur le site qui ont été diffusés. Et voilà. Histoire que les gens sachent un petit peu qui nous sommes. En gros. Non. Taïeb. Donc là, on va lire, Inch'Allah, la Muqaddima du livre que le Shiril a faite. Et j'ai mis en lien l'application pour ceux qui veulent suivre le livre. Il y a l'application sur le pour ceux qui utilisent Android et ceux qui utilisent l'iPhone, Apple. Comme ça, ils ont la traduction. Non. Et moi, il y a certains passages, je les lirai de la traduction et d'autres, je les traduirai spontanément parce que je n'ai pas le temps de jongler entre les deux, entre le PDF que moi j'ai en arabe, d'accord, et l'application. Là, on va prendre la Muqaddima que je vais traduire directement de moi-même. يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد donc là le cheikh il a fait une mukaddima dans laquelle il fait les éloges d'Allah Azza wa Jal, il le loue et qu'il atteste du message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme c'est chose à faire pour être sur le sujet de la sunna lorsqu'on commence une kalima, une allocution, une conférence ou autre. Et il y a plein de formules à dire, dont celle-ci. Il dit, فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ الْكَرِيمِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَإِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Dans le sens où là, il dit, étiez-vous donc témoin lorsque la mort s'est présentée à Yaqub, alayhi salam, et lorsqu'il a dit à ses fils, qu'allez-vous donc adorer après moi, après que je sois mort? Ils ont dit, nous adorerons ta divinité et celle de tes pères, qui sont Ibrahim, Ismaïl et Ishaq. Une seule et même divinité, nous le sommes soumis. Qal, wa sahha min hadith ibn Abbas, radiallahu anhuma, qal, kuntu khalf al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, ibn Abbas également. Il rapportait un hadith de lui-même, car Ibn Abbas, à l'époque du Nabi Sallam, c'était encore un enfant très jeune. Beaucoup de hadiths qu'il a rapportés, il ne les a pas entendus de lui-même. Mais il les a entendus d'autres sahaba, puis il les a rapportés de lui. D'accord? Mais quand un sahabi rapporte d'un sahabi, C'est accepté automatiquement, car tous les Sahaba sont Oudoul, c'est-à-dire sont tous justes. Il n'y a pas chez eux de personne qui va mentir, se tromper. C'est accepté directement. Ah, c'est après les générations d'après eux qu'on fait attention. Qui a rapporté quoi? Est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il est sur la Sunna, ainsi de suite. Mais eux, les Sahaba, d'accord? Entre eux, il n'y a pas à vérifier. Ils sont tous Oudoul, c'est-à-dire des gens fiables. Donc, si un Sahabi n'a pas entendu un hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam directement de sa bouche, mais il a entendu un autre Sahabi et qu'il le rapporte, c'est accepté directement. Donc, Ibn Abbas, beaucoup de ces hadiths viennent comme ça, quand il était petit, c'est encore un enfant. Donc là, maintenant, c'est un hadith qui rapporte lui-même qu'il a entendu de ses propres oreilles. Tayyib qu'il était, alors, il chevauchait derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam un jour sur un âne, et il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ya Ghulam, inni u'allimuka kalimat, yahfazillah yahfazka, yahfazillah tajiduhu tujahaka, wa fas'alillah, billah. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك. ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. Donc il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Ibn Abbas, ô jeune garçon, je vais t'enseigner des paroles. Protège Allah, Allah te protégera. Et on avait parlé de ce hadith auparavant, que protéger Allah, ça veut dire protéger sa religion. Allah Azzawajal n'a pas besoin de nous. D'accord? Allahu al-Qawi, Zulqawati Matin, il est le puissant, la force absolue. Il n'a pas besoin de nous. Mais protéger Allah, ça veut dire protéger la religion en l'appliquant. Donc celui qui fait cela, Allah le protégera. Yarfadillah tajiduhu, protège Allah, tu le trouveras au-devant de toi. Et si jamais tu demandes, ne demande que à Allah. Et si jamais tu recherches de l'aide, ne recherche de l'aide qu'auprès d'Allah. C'est-à-dire dans ce que seul Allah peut accomplir. Et sache que si toute la communauté se réunissait pour t'apporter quelques biens, ils ne seront apportés qu'un bien que Allah t'a déjà prédestiné. Et que s'ils se réunissent pour te nuire en quoi que ce soit, ils ne te nuiront en rien de plus que ce que Allah t'aura déjà prédestiné également. Donc il a dit que les plumes ont été levées et que l'encre a séché, c'est-à-dire le destin l'a écrit. Il ne t'arrivera que ce que Allah t'a déjà prédestiné. D'accord? Faqal, al-Shaykhu, hafizahullah ta'ala, fa'hadhi al-aya wal-hadith wa nadha'iruhuma aslun fi talqin al-awlad kalimat jami'at fi tawhidillah azza wa jal wa ta'lim ibadatihi wa hifz hududihi wa tawakkul alayhi wa muraqabatihi wa al-iman bil qadar khayrihi wa sharrihi. Donc il a dit, le Shaykh, l'auteur, que ce verset cité au début, ainsi que ce hadith et ceux qui leur sont semblables, sont un fondement dans la religion pour montrer qu'il est légiféré d'initier les enfants, de leur faire apprendre, d'accord, et mémoriser des choses, des paroles générales qui englobent beaucoup de sens dans le tawhid, pour leur enseigner l'adoration, pour leur faire comprendre les limites que Allah il a fixées. Également pour apprendre à ce qu'ils placent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils sachent qu'ils sont observés par Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils aient la croyance en le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Fa'hadhi at-tarbiyah ash-shar'iyyah as-sahihah allati yurja liman nasha'a 'alayha an yakuna min khayr 'ibadillah as-salihin. Donc il a dit, cette éducation, c'est celle qui est légiférée, qui est authentique. Celle par laquelle on espère que celui qui évoluera dessus, cette éducation, qui sera parmi les meilleurs serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et parmi les gens pieux. Mimma hamalani dhalika ala an aktuba li abna'i as-sighar, as'alallah an yuslihahum wa yusliha bihim, hadhihi al-kalimat al-muyassara fi mabadi at-tawhid wal-aqida wal-fiqh, mu'ayyada bi adillat al-Qur'an wa sunnah. Donc il a dit, c'est cela qui m'a incité, justement, à écrire cette épître que l'on va lire pour les petits, pour les jeunes. Et il a fait un doigt que Allah les réforme et que Allah accorde la réforme à l'humain par leur biais, car les enfants sont les générations à venir, sont les hommes de demain. Raden. Donc pour leur apprendre des paroles simples dans les fondements du tawhid, de l'aqida, du fiqh, appuyées par l'épreuve du Coran et de la Sunna. راضيا من الله عز وجل أن ينفعهم بها وسائر أبناء المسلمين وبالله التوفيق. En espérant d'Allah qu'il rendra, il apportera un profit à la communauté par leur cause de ses enfants et par tous les enfants des musulmans. Et après, les demandes de tawfiq par Allah Azzawajal. Pourquoi cette muqaddimah? Parce qu'à la base, ce livre est dédié pour l'enseignement aux enfants. La base pour les enfants. Mais ce qui est valable pour les enfants est valable pour tout le monde à la base. D'accord? Et principalement pour des gens qui sont au début de l'apprentissage. C'est pareil. Ce livre-là a été écrit pour les enfants, mais en réalité, même les grands, ils en profitent. Et c'est un livre, lorsqu'il est expliqué en détail, il peut aller très très loin. Mais on ne le fera pas. D'accord? Car le but, c'est de prendre l'essentiel du livre, Inch'Allah, d'aller le plus possible. Mais si demain, quelqu'un voulait faire un char, ou fasse ça, d'explication détaillée du livre, il pourrait faire un gros livre avec ça. Mais ce n'était pas le but de l'auteur. Lui, le but, ça va être des questions-réponses, dont tu mémorises la question, tu mémorises la réponse, avec la preuve qui va avec. Un peu comme on a pris dans le film sur la fin. Trois fondements, c'est le même procédé. Sauf que là, ce sont des questions plus courtes. Vous allez voir, une question simple, avec une réponse simple, et la preuve. Ben, c'est tout. Et après, s'il y a besoin de rajouter un éclaircissement sur la réponse, ou quoi, on le fera. Mais le but, c'est, à la base, c'était que les gens mémorisent ce livre. Qu'il soit, vous voyez, mémorisable. Donc, il est simple, il est léger. Il est divisé en deux, une partie qui touche le tawhid à l'aqida, et l'autre partie qui touche à la jurisprudence. Au fir, qui est dans l'adoration. Ça, on va faire les ablutions, ça va faire la salat, faire des askar, et les dalika. Ça y est? Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est mon code d'imam, on va s'arrêter là. Et en espérant avoir été clair, et on poursuivra dans les prochains durous. Et les jours des prochains durous seront annoncés, car comme je le dis, il peut qu'il y ait un changement dans le programme. Wallahu ta'ala alam. Fabien Alcod Mactafi, ou alhamdulillah bil alamin. Merci de m'avoir